Ndikomanyanga. Eric Wimana sur la mise en onde, bienvenue à ce journal. Et d'abord, les titres. Le journaliste correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans la province de Gitega-Djirani-Bigira n'a pas encore récupéré ses téléphones qui sont dans les mains du commissaire communal de Gitega, lieutenant-colonel de police Ndikuga Jean-Prime. Depuis dimanche dernier, ce commissaire argant qu'il est en train de les analyser et qu'un PV sera dressé après. Les politiciens Tassien Simomana et Kefa Nivizi trouvent que le bureau de l'Assemblée nationale a violé les articles 50 et 52 du règlement d'ordre intérieur en approuvant la commission du nouveau en approuvant la nomination du nouveau président du groupe parlementaire du parti CNL. À Rumonge, les spéculations sur les prix des produits Braroudi sont d'actualité. Les amateurs de la Sainte-Mousse lancent un cri d'alarme. Vous aurez le point avec notre correspondant sur place. Et dans la chronique santé de ce mardi, le docteur Dedit Mboningingo nous parlait de la manière de conserver les médicaments. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page justice. Un jeune homme de la colline Buramata, en commune Gihanga de la province Bubanza, est derrière les verrous depuis bientôt 2 semaines. Accusé d'enlèvement et de mariage avec des documents frauduleux dans la province de Bujumbura, la famille de ce garçon crie à l'injustice. Les défenseurs des droits humains demandent que des enquêtes soient menées et que les coupables soient sanctionnés conformément à la loi. Au parquet de Bubanza, l'on explique que le dossier est déjà au tribunal de grande instance de cette même province. Les détails avec Spice Caritas Cavagnina. Ce jeune homme de 25 ans de la colline Buramata, c'est le village 1 de la commune Gihanga, vient de passer presque 2 semaines au cachot de police à Bubanza. Il est accusé d'avoir enlevé une jeune fille d'à peu près 15 ans qui était en 8e année et d'avoir fait un mariage avec elle à l'état civil de la commune Kanyosha dans la province de Bujumbura avec des papiers frauduleux. Ils auraient même changé les noms de leurs parents selon les témoins sur place à Buramata. La fille avait quitté sa famille depuis le mois d'avril de cette année selon la même source et c'est ainsi que la famille a commencé à chercher et dès qu'elle a été trouvée, le garçon a été arrêté. Le père de la fille nous a indiqué ce matin que son enfant a déjà regagné sa famille. Les défenseurs des droits humains dans cette province déplorent les faits et demandent que les enquêtes soient rapides et que les coupables soient sanctionnés conformément à la loi. Au parquet de Bubanza, le substitut du procureur qui a traité le dossier nous a indiqué ce mardi matin que ce dossier est déjà au tribunal de grande instance de cette même province. Spes Caritas Kalanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Spes Caritas Kabanyana et le journaliste correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans la province de Gitega n'a pas encore récupéré ses téléphones que le commissaire communal de Gitega, lieutenant-colonel de police Ndikuga Jean-Prime, lui a confisqué ce dimanche. Le matin de ce mardi, ce commissaire nous a appris que c'est lui-même qui détient ses téléphones et qu'il est en train de les analyser et qu'un PV sera dressé après. Ce responsable de la police dans la commune de Gitega accuse notre confrère d'avoir répandu son nom sur les réseaux sociaux en informant Bob Rugurika qu'il est en train de vendre frauduleusement de l'essence, ce que ce dernier a écrit sur son compte X. Notre confrère dit que c'est une accusation sans fondement, car il n'est pas en contact avec Rugurika. Dimanche dernier, Gérald Nibigira était au station-service Murisanze de Chef Philippe dans la ville de Gitega, où on donnait de l'essence dans le désordre et où il lui a confisqué ses téléphones en lui tabassant, puis lui a enfermé au cachot du commissariat provincial pendant plus de 3 heures. accusé d'avoir pris des images. Entre-temps, le directeur de la radio-télévision Isanganiro déplore le comportement du commissaire communal de Gitega qui a malmené le correspondant de la radio-télévision Isanganiro. Charles Makoto demande que son matériel lui soit remis et appelle les journalistes à rester courageux et continuer à exercer leur métier malgré ces actes d'intimidation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le président de l'Assemblée nationale indique que le bureau de l'Assemblée a appliqué strictement le règlement intérieur quant à la recomposition et la nouvelle direction du groupe parlementaire SNL. Dans une correspondance du 25 juin courant adressée aux 18 députés de ce parti qui décrit la violation de la loi, Daniel Djilazendabila leur informe que l'Assemblée nationale n'a pas la prérogative d'intervenir dans la gestion interne des partis politiques ou interférer dans les procédures qui relèvent de l'appareil exécutif ou des instances du judiciaire, et cela dans le respect du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Le fait que le bureau de l'Assemblée nationale a approuvé la nomination du président du groupe parlementaire du parti CNL, il a violé les articles 50 et 52 du règlement d'ordre intérieur de cet organe et ça n'honore pas cette institution. Propos d'un expert juriste et membre du parti Pronatassien Siboman, il demande à la Cour suprême de boucler au plus vite cette affaire et que ceux qui réclament justice soient rétablis dans leurs droits. Suivez Tassien Sibomana au micro d'Arthur Kavamouchi. En mettant en place une direction du groupe parlementaire SNL qui est dirigée par un des frondeurs issu de ce pseudo-congrès tenu de façon la plus illégale possible, c'est quand même très grave, voire même honteux pour une institution comme l'Assemblée nationale. C'est d'autant plus grave que cela a été fait en violation des articles 50 et 52 du règlement d'ordre intérieur de la même institution qui est censée être connue de tous de façon générale et de façon particulière par le bureau de la dite institution. Cela n'honore pas nos institutions, mais plutôt cela déshonore nos institutions. Parce qu'il n'est pas compréhensible que des choses aussi très simples, que même quelqu'un qui n'a pas fait le droit peut lire et comprendre aisément, pose problème devant une institution comme l'Assemblée nationale qui regorge des gens qui sont censés maîtriser les lois qu'ils ont votées eux-mêmes. Et qu'est-ce que vous demandez ? La Cour suprême, c'est la plus haute cour de justice de notre pays. La violation des statuts du parti SNL ne nécessite pas des experts en droit. Je demande donc à la dite cour de programmer sans délai cette affaire en audience publique pour donner raison à ceux qui doivent la voir. Parce que les détendances n'ont pas toutes raison. Il y en a qui ont violé les textes, il y en a d'autres qui réclament leur respect. La division au sein du groupe parlementaire SNL est la conséquence des malentendus observés ces derniers temps au sein du parti SNL. Le président du parti Kodebou, qui le dit, indique que cela affecte directement la population qui les a mandatés. Pour Kefani Widi, ces députés doivent veiller à ce qu'ils ne perdent pas leur force politique au sein de l'Assemblée nationale, ce qui par ailleurs diminue leur influence et la confiance de leurs membres. Suivez plutôt Kefani Widi. Au niveau du parti Kodebou, nous estimons que la division que nous observons au sein du groupe parlementaire du SNL n'est que la conséquence des divisions ou des malentendus qui s'observent il y a un certain temps au niveau de ce parti, ce qui a des répercussions très graves sur la population parce que ces députés divisés n'ont plus la force et la capacité suffisante pour servir la population qui les a élus, mais aussi en se divisant, ils perdent la force politique au sein du Parlement, ce qui diminue leur influence. À notre avis, au moment où tous ces députés se réclament du parti SNL et quel est le mandat pour lequel ils ont été élus à sa chemine vers la fin, il n'y avait pas opportunité de changer le leadership du groupe parlementaire, ce qui est en train de créer des difficultés qui n'étaient pas du tout nécessaires. Il faut les rappeler que la division qui s'observe au sein de ce groupe ne bénéficie à aucune partie et même ceux qui croient être soutenus ne pourraient pas continuellement l'être quand ils vont perdre la force politique dont ils disposent. Nous les inviterons donc de travailler en commun, de rester toujours unis afin qu'ils puissent élever la population qui les a élus, mais aussi qu'ils gardent la force politique qu'ils disposent maintenant, mais aussi qu'ils gardent la confiance auprès de la population. Isanganiro, la radio de l'avenir. Place aux nouvelles des provinces, grogne chez certains parmi les amateurs de boissons braoudies que certains parmi les commerçants de ces produits achètent chez les détaillants de ces produits dans la ville de Lomongué pour ensuite les revendre à un prix double. Il demande à l'administration et à la police de faire respecter les prix officiels. Léonard Nsaba, gouverneur de Lomongué, appelle à la dénonciation de ces spéculateurs et aux administratifs de les punir conformément à la loi. Jean-Pierre Messago. Sur les limonades et le primus, la spéculation varie de 500 à 1000 francs burundais la bouteille. Mais sur la moustelle 65 centilitres, la situation est tout autre selon les amateurs de ce produit. En effet, selon leur dire, en cas de disponibilité dans la ville de Lomongué, certains commerçants l'achètent chez les détaillants à 3500 francs burundais la bouteille ou légèrement plus pour ensuite revendre la bouteille entre 5000 et 8000 francs burundais, et cela au détriment des petits consommateurs. Les amateurs demandent à l'administration et à la police de s'investir afin de faire respecter les prix officiels. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Lomongué, appelle sa population à veiller sur ces produits et alerter en cas d'irrégularité constatée pour leur saisie, comme cela a été dernièrement le cas dans un bistrot du quartier Nkayamba de la ville de Lomongué. Cette autorité provinciale ordonne en outre aux administratifs d'infliger une amende aux détenteurs de bistrots où les prix pratiqués sur les produits braoudis ne sont pas affichés au grand public comme dernièrement recommandé dans une réunion de sécurité. Jean-Pierre Misago depuis Lomongué, Radio Isanganiro. Dans Lomongué, rendons-nous en Ngozi pour parler éducation. Plus de 170 écoles ont été construites par le diocèse catholique de Ngozi depuis son existence en 1949 jusqu'aujourd'hui. Déclaration de l'abbé Marc Manirakiza, responsable des écoles sous convention catholique dans ce diocèse au moment où samedi prochain, ce diocèse fête ses 75 ans d'existence. Malgré l'affluence des enfants, ces écoles connaissent ces jours de difficultés, parmi lesquelles la vétusté des locaux abritant ces écoles. Les détails avec Apollinaire Mzakar. Comme l'indique Abbé Marc Manirakiza, le diocèse catholique de Ngozi a érigé pas mal d'écoles depuis son existence en 1949. Il s'agit de 153 écoles primaires et 20 du secondaire. Ces établissements scolaires sont très appréciés par les parents et élèves et sont par conséquent très fréquentes. Abbé Marc Manirakiza explique cette affluence par l'éducation de qualité reçue à ces écoles. En dépit de cette éducation, ces écoles connaissent actuellement certaines difficultés liées principalement à la vétusté des locaux. Il demande à cet effet l'intervention du gouvernement dans la réhabilitation de ces infrastructures scolaires, comme convenu. Se charger des écoles sous convention catholique dans le diocèse catholique de Ngozi fait le bilan des réalisations en matière de l'éducation au moment où ce samedi 6 juillet 2024, ce diocèse catholique célèbre ses 75 ans d'existence. De Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé d'aujourd'hui, on parle de la manière de conserver les médicaments. Tout dépend du type de médicament, selon le docteur Dedit Mbonyingingo, directeur général de l'autorité burundaise de régulation des médicaments et des aliments, qui indique qu'il y a des médicaments qui doivent être conservés dans les réfrigérateurs, mais sous prescription médicale. Il précise également qu'il y a une durée appropriée pour garder le médicament, laquelle durée est souvent prescrite sur l'ordonnance médicale. Plus de détails dans cette chronique avec Ornella Mucho. Généralement, il faut conserver les médicaments dans un lieu sûr. Le directeur général de l'autorité burundaise de régulation des médicaments et aliments, abrément en sigle Dedit Mbonyingingo, précise que la conservation des médicaments diffère selon les catégories. Il y a des médicaments qui doivent être conservés à température ambiante, ça veut dire entre 20 degrés et 30 degrés. Et il y a également des médicaments qui doivent être conservés, je dirais, à frigo, ça veut dire entre 2 degrés et 8 degrés. Mais aussi, il y a des médicaments qui peuvent être conservés au congélateur, ça veut dire à moins 20 degrés. Et donc, pour chaque médicament, tenant compte de la manière dont il a été fabriqué, il doit être indiqué au niveau, bien évidemment, du packaging, au niveau, bien évidemment, aussi de la notice. La première différence entre ces médicaments réside, bien évidemment, par rapport à la sensibilité à la température. Et d'une manière globale, les médicaments que je qualifierais de thermosensibles sont peu nombreux. Quand on voit un peu les catégories de ces médicaments, on peut distinguer bien évidemment la plupart des vaccins, mais aussi on peut distinguer certains médicaments qui sont utilisés pour traiter le diabète. Il conseille les gens de considérer la durée d'utilisation des médicaments prescrits ou déterminés par le médecin. Bien évidemment, une fois qu'on utilise un médicament, il y a des considérations qu'il faut tenir compte, et surtout pour les produits qui sont sous forme liquide, que ce soit les sirops ou encore que ce soit les colliers qui sont utilisés pour traiter les pathologies oculaires. Et donc, pour ces produits, il est très essentiel de suivre à la lettre les recommandations du médecin, surtout en termes des délais, en termes de durée et de traitement. Et du coup, une fois qu'on finit le traitement tel que recommandé par le médecin, et il est bien évidemment recommandé de ne plus utiliser le médicament. Dr Mbonyingingo revient également sur l'endroit où jeter les médicaments périmés ou qui n'ont plus d'utilité. Le schéma qui est prescrit, c'est que les médicaments qui ne sont pas utilisés soient retournés au niveau du centre de santé des plus proches pour qu'ils doivent être acheminés au niveau, bien évidemment, à des zones de rassemblage pour les destructions qui doivent être aussi sécurisées. Les médicaments risquent d'être moins efficaces une fois mal conservés. Les explications et conseils seront donnés dans notre prochaine chronique santé. Voilà, c'est sur cette chronique que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rekouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite de programme sur Sanganiso.